Aventure d'un apprenti parisien, écrit par Arnoux Galopin, lu par Armène pour audiocité.net. Épisode 65, chapitre 353, les chauffeurs, suite. Les aviateurs se demandaient ce qu'on allait leur faire. Quand ils furent débarrassés de leurs liens, le chef s'adressa à l'ingénieur. « Vous vous plaignez tout à l'heure, lui dit-il, de ce que je ne faisais pas d'enquête sur votre cas. Vous m'avez reproché d'appliquer la justice à la façon des sauvages. Or, vous allez être satisfait, car je vais vous interroger et vous juger. Cependant, comme il est certain que vous ne me diriez pas la vérité si je n'employais certains moyens, je vais les uns après les autres appliquer vos compagnons à la question. » Quand le feu leur brûlera la plante des pieds, je suis sûr qu'ils ne s'aviseront plus de déguiser la vérité. » Et le chef eut un éclat de rire strident. Comme les aviateurs n'avaient pas bronché, qu'aucun muscle de leur visage n'avait tressailli, il parut étonné. « Vous avez compris ? » demanda-t-il. « Oui, » répondit Monsieur Voirin. « En ce cas, « vous ne vous plaindrez plus de ce que je néglige les formalités judiciaires. »« Faites ce que vous voudrez, » dit l'ingénieur. « Mais vous ne forcerez personne d'entre nous à dire ce qui n'est pas vrai. » Le chef réfléchit pendant quelques instants, puis il reprit. « J'ai de sérieuses raisons pour supposer que vous avez été envoyé ici par les policiers de l'Union. » Or, vous me prendriez pour un naïf si je vous remettais en liberté. Votre premier soin serait d'aller raconter ce que vous avez vu. Jusqu'alors, notre retraite a été ignorée. Il ne faut pas qu'on la connaisse. Je vous ai déjà dit et je vous répète que nous sommes des voyageurs et que nous ne nous occupons jamais de ce que nous voyons autour de nous. Oui. « Vous vous défendez, je comprends cela. Mais vous êtes pris et bien pris. Vous ne pourrez pas aller raconter à vos chefs ce que vous avez vu chez les écumeurs du Far West. » Monsieur Voirin comprit qu'il n'arriverait pas à convaincre cette brute. Il se contenta d'ajouter « Vous êtes le maître, puisque vous êtes le plus fort. » Mais souvenez-vous qu'une mauvaise action ne porte jamais bonheur. C'est ce qui vous trompe. Depuis que je suis au monde, je n'ai commis que de mauvaises actions et j'ai toujours eu la chance pour moi. Cela tient à ce que je ne me suis jamais laissé attendrir. D'ailleurs, je suis toujours mon premier mouvement et je suis toujours servi par le hasard. « Mais assez causé. Vous prétendez que vous n'êtes pas des espions. »« Oui, nous le prétendons et nous l'affirmons, » répondit Monsieur Voirin. « C'est bien, nous allons voir si vous allez continuer à tenir le même langage. » Le chef examina l'un après l'autre les prisonniers, puis il dit à l'un de ses acolytes en désignant Francis, « Commencez par ce jeune garçon. » J'ai idée que, lorsqu'on lui aura un peu grillé les pieds, il nous racontera des choses intéressantes. » Francis ne sourcilla point. « Oh oh ! » fit le bandit. « Il est crâne, ce gamin. Mais nous allons voir. »